Le verrou mis, mère et fille prirent le petit chemin, grimpant vers le village du haut. 8 kilomètres ne semblaient pas une longue route à première vue. Le premier kilomètre n'était pas vraiment ardu. Il montait en pente douce et suffisamment large pour que l'équipage puisse marcher de front. Il faisait encore frais aux toutes premières lueurs du jour et le chemin était peu poussiéreux grâce à la rosée de la nuit. Anna avait appris à marcher posément au rythme régulier de Nan. Aller voir côte à côte, on ne savait dire qui conduisait qui. De temps en temps, Anna murmurait des choses à l'oreille de Nan, ce qui ne manquait jamais d'étonner Elena. « Mais que peux-tu bien raconter à Nan ? » dit-elle d'un air enfrogné. « Il ne te comprend pas, ce n'est qu'un âne. Et les ânes, ça ne cause pas, ça répond pas. » Anna haussa discrètement les épaules. « Qu'est-ce qu'elle en sait ? » pensa-t-elle. « Moi, je suis sûre qu'il comprend ce que je lui dis. Je le vois à ses oreilles. Mais je m'en fiche de ce qu'elle pense après tout. C'est entre lui et moi. »« Dis, maman, pourquoi devons-nous toujours nous rendre au marché du village du haut ? Pourquoi jamais celui de la ville ou d'un autre village ? Parce que, répondit sa mère. Parce que quoi ? Insista-t-elle. Ma fille, cela a toujours été comme ça. Le village du bas n'a pas besoin de nos produits. Ils ont les leurs et ils vont les vendre au marché de la ville. Ils ont une route alors que nous n'avons qu'un chemin. Ils ont des champs et des vergers alors que nous n'avons que des potagers, des fruits des bois, des champignons et des châtaignes. Anna réfléchit quelques instants. Elle n'avait pas été beaucoup à l'école, mais elle n'était pas idiote pour autant. Pourquoi les gens du haut ne vont pas directement au village du bas ou en ville? Ils auraient plus de choses. Anastasia, tu m'ennuies avec tes questions idiotes. Là-haut, ils ont des bêtes en pâturage. Ils ne descendent que quand c'est nécessaire. C'est comme ça, un point c'est tout. Ce sont des montagnards. Pas comme nous. Nous, nous sommes du milieu. Anna finit par abandonner la discussion comme à chaque fois et préféra le gazouillis des oiseaux. Elle pensa que dans cette vie du milieu, il n'y avait rien d'autre que de la poussière ou de la boue et du travail. Sa seule joie, c'était Nan, son courage et sa gentillesse. Elle n'avait jamais de temps pour jouer, pour rêvasser ou se reposer. Sauf avec Nan, quand elle était sûre et certaine que sa mère ne la surveillait pas. Même le brosser était devenu une occasion de s'amuser, en silence. Pour lui aussi, il piquait la brosse, tirait sur sa salopette, montrait ses grandes dents pour rire ou la poussait avec son arrière-train. Le chemin devient plus étroit et pentu. Ils durent marcher en file indienne, sa mère devant et Nan fermant la marche. Les flancs de la colline étaient encore ombragés par les ramures des feuillus. « Oh ! » lança-t-elle au dos de sa mère en s'arrêtant sur le bord. Elle prit la grosse outre d'eau, en versa dans une écuelle et la présenta à Nan. Il la siffla avec avidité dans un gargouillis de bulles, elle lui flattant la colure et les oreilles. Elle lui laissa brouter quelques fleurs et herbes folles. « Ne traîne donc pas, faut avancer avant que le soleil ne tape. « Ce n'est pas toi qui portes tout le bardeau sur ton dos, » répondit-elle avec insolence. Sa mère grogna, mais ne bougea pas de sa place de tête. Elle l'avait échappé belle. Sans aucun doute, sa mère voulait-elle économiser ses pas. Elle but une longue gorgée d'eau et reprit sa marche. La pente se fit raide et le chemin caillouteux de plus en plus étroit, tandis que les flancs devenaient rocheux. Les arbres se firent plus rares et l'ombre moins généreuse. Sa mère avait maintenant quelques longueurs d'avance sur eux, mais pour rien au monde, Anna n'allait allonger l'allure de Nan. Elle le connaissait bien, si elle le houspillait ou tirait sur la longe, pour sûr, il ferait la tête. Elle disparut de sa vue un court instant au détour d'un lacet capricieux et abrupt. Voilà, elles entraient dans la partie la plus difficile et ardue du chemin. De méchants cailloux tordaient douloureusement les chevilles, tandis que le soleil levant devenait inévitable. Nan prenait les devants et évitait ainsi à Anna de trébucher ou de se laisser surprendre par une ravine. Elle lui faisait entièrement confiance. Ses pieds étaient bien plus sûrs que les siens. Un vrai pro de la marche en montagne. Anna savait pourquoi elle prenait toujours grand soin de ses sabots et de ses pieds à lui. Ses godillots à elle étaient loin d'être de première fraîcheur et tellement usés qu'elle pouvait sentir douloureusement la caillasse au travers des semelles usées. Encore quelques lacets, elles auraient passé le petit col. Anna encouragea Nan de la voix et de la main. Ses grandes oreilles frémirent. Hop, un arrêt boisson pour son compagnon et elle avant le dernier gros effort. Elle aperçut sa mère entamant le lacet juste au-dessus d'elle et reprit sa lente progression, les yeux fixés sur la pente raide, la main sur le harnachement postérieur. Alors qu'elle franchissait le petit côté de l'épingle, un bruit soudain se fit entendre. Anna n'eut pas vraiment le temps de se coller contre le flanc de la piste et se sentit irrésistiblement glissée vers le bas. Sa main tenait toujours fermement le harnais de Nan. Des quatre fers, ce dernier résista tant bien que mal à la glissade, pliant ses postérieurs, entraîné par sa charge et celle de Anna. Elle lâcha finalement prise dans un nuage de poussière, de cailloux, de braiments et disparut sur la pente grise du côté où il n'y avait pas de piste. Nan finit par freiner sa glissade et péniblement remonter sur le chemin, tandis qu'Anna glissait, glissait sur ces multitudes de petites billes qui lui déchiraient le fond du pantalon. Elle tenta de se maintenir dans une position de glisse, comme sur de la neige, pour éviter de rebondir dans tous les sens et de se fracasser. Elle essaya de freiner avec ses mains protégées par les manches du pull, mais elles furent bien vite en lambeaux, mille petites aiguilles les déchirant. Elle enfonça les talons et cambra les pieds. Cela ralentit un peu sa chute, mais elle avait peur de passer cul par-dessus tête si elle bloquait trop. Les yeux fermés, dans ce brouillard de poussière, elle entendit sa mère et son âne brailler. Elle était heureuse, Nan s'en était sortie. S'il était tombé, il se serait sûrement cassé quelque chose, et là, ça en aurait été fini de lui. Des minutes ou des secondes, puis plus rien.